On reprend avec le dernier exposé de cette journée, de cet après-midi et de cette journée. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Carpentier, qui fait une thèse sous la direction de Jean-François Kervégan, je crois, à Paris 1. Oui, c'est particulier. Tout le monde n'est pas ça. Voilà, c'est ça. En philosophie du droit ou en théorie du droit, je ne sais pas ce qui. J'ai un peu parfois du mal à situer. Les deux cumulés et un liste. Bon, Mathieu Carpentier, dont l'exposé s'intitule Normes, interprétation et défaisabilité. Je lui laisse la parole. Je m'en excuse. D'abord, je remercie les organisateurs pour leur invitation. Et je vais assez peu parler d'institutions, même si de tout ce que je vais dire, on peut trouver des reformulations en termes de théorie institutionnaliste, notamment sous la plume de Neil McCormick, en particulier Rhetoric and the Rule of Law. Mais je vais m'intéresser à des questions qui ne vont pas nécessairement mobiliser ici la notion d'institution, même si les normes, en revanche, vont faire l'objet d'un traitement poussé. Alors, avant toute chose, j'aimerais faire une petite remarque d'ordre terminologique. Le troisième terme qui suscite, je suppose, une certaine circonspection, traduit le terme « defeasibility » en anglais, qui ne reçoit pas de traduction unifiée en français, contrairement à la plupart des autres idiomes, derrotabilidad en espagnol, derrotabilidad en portugais, defectibilità en italien et unfechtbarkeit en allemand. Selon le contexte disciplinaire où l'on se trouve, et Dieu sait que ce concept, ou à tout le moins le terme, est employé à peu près à toutes les sauces dans de très nombreux contextes disciplinaires, on traduit tantôt par défectibilité ou par défaisabilité. La théorie du droit emploie plus volontiers le premier, là où la philosophie morale, la logique, l'intelligence artificielle emploient le second. Alors, toutes les disciplines emploient parfois le même mot pour désigner des choses différentes. Mais sachant que c'est le même terme qui est employé et à de pures fins terminologiques et pragmatiques, il me semble qu'il convient d'unifier le vocabulaire, même si après ça, on peut démontrer que les phénomènes décrits sont différents. Et bien que défectibilité sonne à vrai dire mieux, je retiens défaisabilité, car tout le monde traduit ainsi, sauf les juristes. Et bon, la majorité ayant toujours raison, je me plie. De toute façon, les trois quarts, même les 9/10 de la littérature est en espagnol, en italien et en anglais, donc la question ne se pose pas vraiment. Mais j'insiste bien pour dire que mon choix est déterminé par des raisons purement pragmatiques, et non pas par des arguments théoriques substantiels. Et j'en profite pour remercier le professeur Millard qui a pris le temps et la patience d'échanger avec moi sur ce sujet. Alors, j'ai procédé scolairement en trois temps. Dans un premier temps, je vais essayer de parler de normes et d'interprétation. Dans le second temps, de normes et de défaisabilité, terme que je définirai en temps voulu. Et dans le troisième temps, des liens possibles entre interprétation des normes et défaisabilité des normes juridiques. Alors, l'hypothèse que je soutiens, qui n'est d'ailleurs à vrai dire nullement originale, est que la défaisabilité des normes juridiques est imputable aux contraintes qui pèsent à des degrés divers sur leur interprétation. Alors, donc, première partie, première section, normes et interprétation. Alors, je vais essayer, dans ce premier temps, de procéder à quelques clarifications conceptuelles qui sont un peu banales pour les théoriciens du droit, mais qui... la banalité fait parfois du bien. On a l'habitude de distinguer un concept large et un concept étroit d'interprétation au sein de la théorie du droit. On trouve une telle distinction développée à des degrés divers et à des fins diverses chez des auteurs tels que Jerzy Wrublewski, Neil McCormick et Riccardo Guastini. Et le problème, une fois que l'on s'aperçoit de l'existence ou de la coexistence de concepts, est que les controverses sur l'interprétation sont rendues obscures parce qu'elles emploient tantôt l'un, tantôt l'autre des concepts et qu'elles sont amenées à le définir de manière stipulative. Le concept étroit d'interprétation, tel que je le comprends à la lecture des auteurs qui le mettent en avant, tourne en gros autour des idées suivantes. L'interprétation est une activité qui intervient ou qui est mobilisée lorsque, pour une raison ou une autre, le sens de la norme applicable est obscur ou lorsque l'on rencontre, dans l'application de la norme, une difficulté. En ce sens, le concept étroit d'interprétation est intimement lié à la maxime célèbre « In claris cessat interpretatio » ou « Non est interpretum ». Il est à noter que cette maxime contient une revendication à la fois conceptuelle et normative. En effet, elle implique tout d'abord que lorsque l'affaire est simple, lorsque le cas est simple à régler sur la base d'une compréhension littérale de la règle, il ne fait aucun sens de se lancer dans une interprétation, puisque précisément l'interprétation est le type d'activité dans laquelle on se lance lorsque il y a une obscurité. D'autre part, lorsque la règle est claire, il ne faut pas l'interpréter, et si on passe à une thèse normative, de même que une amputation peut sauver un patient, il est peu recommandé de la pratiquer sur un individu en parfaite santé. De ce point de vue, l'interprétation n'est jamais neutre. Elle distord toujours l'original auquel elle s'applique, même si cette distorsion est parfois nécessaire. Et les canons d'interprétation, les standards d'interprétation, sont des manières d'effectuer une bonne distorsion, la meilleure distorsion possible. Dès lors, l'usage ou la mise en application d'un canon par rapport à un autre nécessite de la part du juge une justification. Les juges doivent justifier pourquoi ils interprètent et pourquoi ils le font de telle façon. En ce sens, si on devait trouver une analogie au concept d'interprétation étroit, on pourrait penser que l'interprétation est en quelque sorte un décodage, s'y suppose un codage et par conséquent une incompréhensibilité en première instance. Le concept large d'interprétation s'entend plutôt comme une traduction, ou à la limite comme une lecture de la norme, et elle s'entend comme toute attribution de sens, de signification, à un énoncé normatif donné. Et c'est ce concept qui est majoritairement employé dans la plupart des écoles sceptiques continentales aujourd'hui. Lorsqu'on parle, dans ces murs même, de théorie réaliste de l'interprétation, on désigne par là l'ensemble de l'activité juridictionnelle, et non pas simplement les cas réputés obscurs. Évidemment, l'emploi d'un concept large d'interprétation tend à effacer la distinction entre cas clair et cas difficile, ou cas obscur, puisque c'est la même opération qui est effectuée dans tous les cas. Évidemment, le saut qui consiste à affirmer qu'il n'y a pas de cas clair, ou que les cas clairs sont une construction d'interprétation et ne la précède pas, un tel saut est, sans davantage de justification à tout le moins, un non sequitur. Alors, j'ai essayé à d'autres occasions de montrer que le désaccord entre ce que, pour reprendre une classification opérée par Paolo Comandocci et développée par Riccardo Guastini, le désaccord entre cognitiviste sceptique et théoricien mixte, cognitiviste ici ne désigne pas le terme généralement couramment employé en métaéthique, mais désigne la thèse selon laquelle l'interprétation est à même de retrouver une seule bonne réponse au litige. Eh bien, que ce désaccord entre ces trois types de théories ne porte pas sur l'interprétation en tant que telle, mais sur la question de la détermination ou l'indétermination du droit, ou comme on dit parfois, sur l'objectivité du droit. J'ai pas le temps vraiment de démontrer cette hypothèse ici, mais il me semble que dès lors que l'on part du principe que les théoriciens cognitivistes en général, type Beccaria, type l'école de l'exégèse, emploie le concept d'interprétation en un sens étroit, c'est-à-dire que c'est pourquoi d'ailleurs Beccaria peut écrire contre l'interprétation. Beccaria écrivant contre l'interprétation n'écrit pas contre l'activité juridictionnelle. Mais dès lors que les cognitivistes emploient interpréter en un terme étroit, la controverse qu'ils s'entretiennent avec les sceptiques, ce qu'on appelle les sceptiques de la règle, les rules sceptics, ne porte pas sur l'interprétation, mais sur simplement la détermination du droit. Il est assez essentiel au cognitivisme, à vrai dire, c'est-à-dire à la thèse selon laquelle le droit est toujours déterminé et fournit toujours une bonne réponse au litige, il est essentiel à cette thèse d'avoir recours à un concept étroit d'interprétation, sauf dans un cas un peu particulier qui est celui de Dworkin, mais que je mets à part. Si en effet l'interprétation se définit comme une activité marginale, résiduelle, parasitique, si cette activité n'est pas essentielle à l'entreprise, alors on peut démontrer, et on voit à ce point à quel point la définition est stipulative, à quel point elle est déterminée par un agenda théorique, que la plupart du temps, on n'a pas besoin d'interpréter et que l'application de la règle peut se faire de manière globalement mécanique. De ce point de vue, le désaccord entre cognitivistes et théoriciens mixtes porte sur deux choses. Les théoriciens mixtes typiquement Hart au premier chef, mais l'ensemble de ses héritiers, en particulier Timothy Endicott et de manière plus nuancée André Marmore, argue que les cas difficiles sont plus nombreux et plus importants que ce que le cognitivisme voudrait entendre, et d'autre part que l'interprétation est un outil inadéquat ou inefficace pour les résoudre, puisqu'en général la résolution de ce type de cas implique l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire. Parler d'interprétation revient donc à recourir à une forme de verbalisme tout rhétorique pour cacher tout simplement une pure part de création de droit qui échoit au juge. En revanche, les théoriciens sceptiques emploient un concept large d'interprétation, et c'est pourquoi d'ailleurs il est tout à fait possible de reformuler, comme le fait par exemple dans son article récent le professeur Guastini, de reformuler l'ensemble de cette espèce de Mexican standoff, de duel tripartite entre cognitivisme sceptique et théoriciens mixtes, selon un concept large d'interprétation. En gros, les théories cognitivistes arguent que l'interprétation du droit assigne au texte juridique un sens qui est toujours déjà là, là où les sceptiques partent du principe que ce sens est toujours le fruit d'une décision de l'interprète. Mais ce faisant, on reformule des théories sur la détermination en termes de théorie de l'interprétation. Mais on voit qu'on emploie interprétation en un sens radicalement différent de celui qui est employé par la plupart des théoriciens cognitivistes. Cette stratégie pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je vais essayer de passer assez rapidement, parce que je suis un peu en retard déjà. Le principal problème tient à mon avis en une lecture assez tendancieuse qui est faite par les théoriciens contemporains du scepticisme juridique de la théorie pure du droit de Kelsen dans sa seconde édition, et particulièrement du huitième titre de cette théorie pure. À mon avis, et je le dis sans introduire ces concepts, et je m'en excuse, mais j'ai vraiment pas le temps de le faire, qu'on a tort de superposer comme étant identique la distinction entre acte de volonté et acte de connaissance d'un côté, et la distinction entre interprétation scientifique et interprétation authentique de l'autre. En effet, ce qui distingue à mon sens l'interprétation juridictionnelle de l'interprétation doctrinale, d'interprétation scientifique, ce n'est pas une différence conceptuelle. Chaque auteur de doctrine choisit le sens, parmi les sens possibles d'une norme, le sens qui lui semble le meilleur. Ce qui les distingue, c'est que l'interprétation juridique a un effet juridique direct, tandis que l'autre pas. L'interprétation juridictionnelle, authentique, a un effet juridique direct, et l'autre pas. Mais ça ne veut pas dire que conceptuellement les deux types d'actes soient différents. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, Kelsen ne peut pas être lu comme adoptant in fine une pure et simple théorie réaliste de l'interprétation. Même d'ailleurs en son sens adouci, guastinien, si j'oserais dire, de théorie non pas de l'indétermination radicale des règles de droit, mais de théorie de ce que Guastini appelle l'ambiguïté systémique des règles de droit, à savoir l'idée sur laquelle les normes juridiques sont toujours à même de recevoir deux significations concurrentes et dont la détermination relève du choix du juge. En effet, Kelsen emploie certes un concept large d'interprétation. Kelsen, c'est les premières lignes du titre 8 de la théorie pure du droit. Pour appliquer une règle, il faut lui attribuer un sens, et de fait, appliquer une règle suppose l'interprétation. Ce faisant, on a un concept large d'interprétation, puisque les juges interprètent toujours, dans la mesure où les juges doivent toujours simplement déterminer ce que la règle requiert de qu'ils fassent. Mais la théorie des normes développée par Kelsen au titre 8, théorie des normes comme cadre susceptible de recevoir plusieurs significations, implique que lorsque les règles sont indéterminées, si et seulement si les règles sont indéterminées, pour une raison ou une autre, volontaire ou pas, il effectue un certain nombre de classifications, alors le juge doit choisir entre les divers sens normatifs attribuables au cadre que constituent les normes. Mais Kelsen ne dit nulle part, à ma connaissance, que toutes les normes sont indéterminées. Ou à tout le moins sont indéterminées avant leur interprétation, ou si vous voulez, qu'il n'y a jamais une et une seule interprétation correcte des normes. En ce sens, et c'est quelque chose que par exemple quelqu'un comme Duncan Kennedy a soutenu assez récemment, Kelsen est une sorte de théoricien mixte de la détermination normative qui, contrairement à quelqu'un comme Hart, emploi, interprétation en un sens large. Alors, je vais être amené, même si je n'ai pas vraiment le temps de le faire, à soutenir une position qui est assez proche de Kelsen, tel que je comprends Kelsen en tout cas. Il me semble qu'il faut, à vrai dire, inverser la procédure. Non pas déterminer une théorie de la détermination du droit, question de savoir si les règles déterminent ou pas l'issue des litiges, puis trouver le concept d'interprétation qui va le mieux, mais essayer tout d'abord de déterminer quel est un concept cohérent d'interprétation juridique, pour ensuite envisager une théorie de la détermination du droit. Alors là, je vais couper vraiment parce que c'est trop long. Mais tout simplement, je pars du principe que les normes se comprennent au sein d'un contexte d'énonciation. Ce contexte d'énonciation peut être appelé de manière post-Gricéenne, si vous voulez, un contexte de communication. Le législateur ou le jurislateur, qui peut être aussi bien d'ailleurs le juge usant de son pouvoir jurisprudentiel, communique un contenu assertif au moyen d'une formulation linguistique. Alors, je ne veux pas gloser indéfiniment la distinction opérée par Austin et Grice entre sens et assertion, mais disons que ce qui est communiqué par un énoncé normatif ne se confond pas avec la signification sémantique, si l'on veut, des termes employés dans la formulation linguistique de cet énoncé. Par ailleurs, si l'on part du principe que les normes sont des actes de langage, alors il est possible de distinguer, à tout le moins conceptuellement, le contenu assertif de l'énoncé et l'acte illocutionnaire qui l'accompagne. Ce que j'appelle interpréter dans un contexte normatif, c'est tout simplement identifier quel est le contenu assertif de la norme considérée. De ce point de vue, et c'est déterminé par conséquent quel est le sens normatif de l'énoncé que l'on a identifié, l'énoncé que l'on a appliqué. De ce point de vue, interpréter n'est pas une tâche purement sémantique. Je prends un exemple. Si je dois interpréter une règle sur la subrogation, par exemple, telle que les articles 1249 et suivants du Code civil, eh bien, interpréter une telle règle ne revient pas à définir ce qu'est la subrogation. L'acte par lequel le subrogeant, détenteur d'une créance, transmet cette dernière au subrogataire, etc., qui exerce cette créance, qui peut en demander recouvrement au tiers débiteur, le subrogé. Cela ne consiste pas non plus à donner des exemples de subrogation. L'interprétation suppose un contexte d'application du droit, contexte qui peut être réel. Un juge a appliqué un droit, ou un contexte fictif, tout simplement, je me mets à la place du juge, j'imagine quelle est la classe de cas auquel la règle s'applique. Dès lors, interpréter revient à identifier quelles sont les propriétés pertinentes d'application de la norme, ou ce qui revient au même, quelle est la classe ou la sous-classe de cas qui est régulée par la norme. Si l'on admet que les normes juridiques, une fois proprement individuées, s'apparentent à des normes conditionnelles, alors pour appliquer la norme, c'est-à-dire pour imposer la conséquence juridique prévue dans le conséquent de l'obligation conditionnelle, il faut déterminer à quelle classe de cas la norme s'applique. Et dès lors, l'interprétation n'est pas une simple tâche sémantique, ce qui veut dire, ce qui revient au même, que la manière dont on va décider les litiges n'est pas, même dans les cas simples, auto-évidente à partir d'une simple compréhension sémantique de la formulation de la norme, ou du sens sémantique, si on veut, des termes compris dans cette formulation. Alors, il va de soi que comprendre sémantiquement la formulation de la norme est important. Mais cela ne fournit pas une raison complète pour interpréter la norme dans tel ou tel sens, comme régulant telle ou telle classe de cas. Et pour comprendre cela, il faut prendre au sérieux, à mon avis, le défi sceptique. La question à laquelle les sceptiques doivent généralement répondre est pourquoi les juges ne font-ils pas n'importe quoi ? C'est le professeur Brunet, dans un article très récent dans la Revue Générale de droit international public, pose cette question avec beaucoup d'aplomb. Mais il me semble que la question véritablement intéressante est plutôt pourquoi est-ce que nous savons quand les juges font n'importe quoi et quand ils ne font pas n'importe quoi. En d'autres termes, pourquoi disposons-nous de critères nous permettant de distinguer le n'importe quoi d'une interprétation correcte du droit ? Ou, pour le reformuler de manière plus classique, qu'est-ce qui fait qu'une décision juridictionnelle est justifiée ? Alors, je pense qu'il y a des critères juridiques de justification. Bien entendu, un juge peut devenir fou. Un juge peut décider d'appliquer une règle sur les véhicules dans le parc, ou une règle interdisant l'entrée des véhicules dans le parc, de telle manière à ce qu'elle ne s'applique pas à une Jeep ou une grosse cylindrée, au motif que la grosse cylindrée appartient à son beau-frère. Mais il me semble qu'il faut il faut se garder de commettre une confusion entre deux types de raisons. La raison que je vais appeler R1, qu'un interprète a d'interpréter une norme comme régulant telle ou telle classe de cas, et la raison R2, qui est une raison de second ordre, au sens rasien du terme, que l'on a d'interpréter la norme selon R1. On peut avoir une raison R1 fournie par exemple par une compréhension de la formulation, une compréhension sémantique de la formulation de la règle, d'interpréter la norme de telle ou telle manière, mais on peut avoir une raison R2 nous invitant à ne pas interpréter la norme selon R1, ou qui peut nous pousser à le faire. Or, ces deux raisons ne coïncident pas nécessairement. Un certain nombre d'éléments, à commencer par la formulation linguistique de la norme bien comprise, peuvent me conduire à penser que l'interprétation correcte est celle-ci, c'est-à-dire que le contenu assertif communiqué par le jurislateur ou le législateur est celui-ci et non pas celui-là. Mais je peux tout à fait avoir une raison de l'interpréter différemment. Par conséquent, je peux lui attribuer un sens normatif différent de celui qui était voulu par le jurislateur. Dès lors, on est obligé d'interpréter une norme selon R1, par exemple, selon la raison fournie par la compréhension de la règle, si et seulement si R2 surpasse toute autre raison, c'est-à-dire est une raison exclusive, et c'est-à-dire si l'on reconnaît, pour le dire autrement, l'autorité du jurislateur, de l'auteur de la norme. À supposer d'ailleurs que R1 soit fourni par l'ensemble des éléments permettant de déterminer avec quelque certitude quel est le contenu communicatif intentionnel de la règle. Bon. Dès lors, une interprétation est typiquement justifiée juridiquement si et seulement si il y a suffisamment d'éléments permettant de déterminer ce qui est le contenu communicatif intentionnel et si l'on est contraint d'interpréter la règle de manière à être en accord avec ces éléments. Cela veut dire que l'interprétation correcte d'une norme n'est jamais uniquement déterminée par une simple compréhension auto-évidente de la norme, mais ou de la formulation de la norme, mais aussi par les contraintes de l'autorité. Cela implique que ce que l'on a coutume d'appeler de manière tellement cliché que ça en devient presque un objet pop art, la distinction entre le contexte de la justification et le contexte de la découverte, doit faire l'objet d'une approche par niveau. Ce qui rend une interprétation justifiée au sein du système juridique dépend des contraintes qui pèsent sur elle. On voit dès lors que comprendre la formulation de la règle me donne des raisons souvent très fortes d'interpréter la règle de telle ou telle manière. Et si j'effectue une mécompréhension du sens de la règle, par exemple si je ne sais pas ce qu'est une subrogation, il y a très peu de chances que j'interprète la règle de manière correcte, c'est-à-dire que je détermine quelle est la classe de cas régulée par la règle. Je pense que ces contraintes qui pèsent sur l'interprétation, qui fournissent des raisons de second ordre, ne sont pas, comme les réalistes américains le soutenaient, des contraintes factuelles extra-juridiques, par exemple des contraintes socio-psychologiques ou des contraintes gastriques, n'est-ce pas ? Je pense, contrairement au professeur Tropper, que ces contraintes ne sont pas factuelles mais juridiques, c'est-à-dire qu'elles seraient dues à des faits juridiques, et dans l'article que je citais, le professeur Brunet montre qu'il est parfois difficile de faire la part du factuel et du juridique. Je soutiens que ce sont des contraintes systémiques qui sont normatives, c'est-à-dire qu'elles se déduisent de la structure d'autorité qui est celle du droit. Pour le dire autrement, le fait que les juges ne font pas n'importe quoi ne s'explique pas simplement par une forme de self-restraint psychologique ou de pression sociale due à ce qu'on appelle le contexte de la découverte. Alors, dès lors, ces contraintes systémiques fournissent un cadre d'interprétation, un cadre pour la détermination juridique qui est compatible avec le concept large d'interprétation tel que je l'ai défini. Cela veut dire qu'il y a des cas faciles, simples, c'est-à-dire en réalité des cas où il n'y a qu'une seule interprétation possible de la norme, parce que l'interprétation est tellement contrainte qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible, sauf à violer le droit. Mais cela explique également que l'interprétation soit dynamique, c'est-à-dire qu'une justification, une interprétation justifiée pardon, un temps 1 ne soit plus justifiée un temps 2, parce que les contraintes qui ont poussé le juge à interpréter la norme d'une certaine manière en T1 ont disparu en T2. Ce qui explique que ce soit, pour ainsi dire, le même instrumentum qui soit interprété, mais que le negotium, c'est-à-dire le contenu normatif, soit amené à évoluer. On pourrait prendre l'exemple classique des arrêts Plessy et Brown de la Cour suprême américaine. Alors, je pense qu'il faut adopter cette version à la fois nuancée et dynamique de la théorie mixte de la détermination juridique en la fondant sur l'idée que les juges font la même chose dans les cas clairs et dans les cas difficiles, mais que la question de savoir si un cas est clair ou s'il est difficile dépend des contraintes qui pèsent sur l'interprétation. Et ce qui m'amène, par ailleurs, à envisager non pas une différence de nature, mais une différence de degré entre les cas clairs et les cas difficiles, entre l'application mécanique qui implique une interprétation fidèle et la pure et simple discrétion où il y a toute une série de cas, il y a toute une série de cas où l'interprétation est plus ou moins contrainte et où par conséquent les critères de hiérarchisation entre les diverses options interprétatives sont moins évidents jusqu'à devenir laissés à la libre discrétion du l'interprète. Donc, sans transition, j'en viens à ma deuxième partie. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. 7 minutes. 7 minutes, donc je vais aller à la SERP, qui porte sur les normes et la défaisabilité. Alors, le terme de défaisabilité a été introduit dans le vocabulaire philosophique par Herbert Hart dans un article de 48, un article célèbre parce qu'il a été renié par la suite, qui s'intitule « The Ascription of Responsibility and Rights ». Alors, avant d'envisager ce concept, il faut un peu envisager pourquoi est-ce que Hart l'envisage. Comme de très nombreux auteurs l'ont fait remarquer, contrairement à ce qui va devenir l'usage dans la littérature sur la défaisabilité, Hart l'emploie non pas comme une propriété des règles juridiques, ni même comme une propriété du raisonnement juridique. Hart l'emploie comme une propriété des concepts juridiques. Hart en 48, hein, 48-49, date de la publication de l'article. La défaisabilité d'un article de 48 a avant tout une fonction opératoire. Comme Gordon Baker l'a fait remarquer, Hart entend mettre en œuvre une stratégie anti-réductionniste de sémantique juridique. Les concepts juridiques ne peuvent être expliqués par un ensemble fini de conditions nécessaires et suffisantes d'application, ou si l'on préfère par per genus et differentiam. Autrement dit, les concepts juridiques et les énoncés qui les emploient, qui les prédiquent de tel ou tel objet ou telle chose, sont logiquement sui generis. De cela, Hart voit grosso modo trois preuves. La première preuve en est que les concepts juridiques et les énoncés qui les emploient ne sont pas descriptifs mais ascriptifs ou attributifs. Lorsque l'on applique le concept de meurtre, on ne se contente pas de décrire une action ou un état de fait, on attribue une responsabilité. Secondo, les concepts juridiques ont un caractère ouvert, open-ended, c'est-à-dire que les conditions d'application forment nécessairement un ensemble ouvert se terminant par etc. Troisièmement, les concepts juridiques sont défaisables, c'est-à-dire que leur application, du type « ceci est un contrat », est toujours à même d'être défaite dès lors qu'intervient une exception, et ce, même si l'ensemble des conditions positives d'application sont réunies. Alors, par la suite, Hart a quelque peu changé son fusil d'épaule, et à ma connaissance, même si le chapitre 7 du concept de droit réenvisage le problème des exceptions, la défaisabilité en tant que telle n'est pas thématisée de manière explicite dans la suite de l'œuvre de Hart. Même si il me semble que la critique habituelle qui est faite comme quoi Hart aurait mélangé le problème de la texture ouverte des règles et celui de leur défaisabilité me semble ne pas résister à une lecture fine du chapitre 7 du concept de droit. Mais toujours est-il que je passe sur les raisons pour lesquelles Hart s'est amené à tout simplement se désintéresser des concepts juridiques pour s'intéresser aux règles juridiques, j'indique que c'est encore une voie qui est envisagée par certains auteurs, notamment ceux qui insistent sur les aspects procéduraux de la défaisabilité en droit et sur la question de savoir si la défaisabilité en droit est due à, aux règles procédurales d'attribution de la charge de la preuve. Mais je ne vais pas en parler pour votre plus grand bonheur. Donc, il y a plusieurs manières d'envisager. J'ai plus beaucoup de temps du tout, je crois, non ? 4 minutes. Ouf. Bon. 5. Allez, il y a plusieurs manières d'envisager la défaisabilité en droit. Certains auteurs parlent classiquement de défaisabilité des règles de droit ou des normes juridiques. Je vais être amené par la suite, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, tant pis, à distinguer les règles de droit comme certaines normes juridiques. Mais la plupart des auteurs emploient règles et normes de manière indifférenciée. D'autres parleront de la défaisabilité du raisonnement juridique. C'est un point. La question qu'il faut se poser ab initio est simplement pourquoi est-ce que le droit admet des exceptions ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut opérer un certain nombre de classifications et de clarifications. La défaisabilité, la possibilité d'exception, correspond à une certaine forme d'indétermination normative, puisqu'elle correspond à une situation où une norme applicable trouve à ne pas s'appliquer, soit qu'il s'agisse d'une obligation prima facie, soit qu'elle se trouve être surpassée par une norme de poids supérieur. Ou, si l'on veut le formuler autrement, la défaisabilité correspond à une situation où la conclusion du raisonnement ne tue pas déductivement des prémices. Alors, mais il me semble qu'il faut distinguer la défaisabilité des règles de droit d'autres types d'indétermination normative, en particulier la question du vague des énoncés normatifs ou de leur texture ouverte. Questions qui sont d'ailleurs différentes, mais que je mets dans un même paquet. Lorsqu'on a affaire à un problème de vague ou de texture ouverte, on a affaire à une situation où l'on ne sait pas si la règle est applicable ou non, ou comment on doit l'appliquer, voir s'il y a une règle applicable. Dans le cas de la défaisabilité, au contraire, on sait qu'il y a une règle applicable, et pourtant on a une raison pour ne pas l'appliquer. Dès lors, l'exception ne peut pas correspondre simplement à une situation de lacune normative, puisqu'il y a une norme applicable, mais au mieux à une situation de lacune axiologique. C'est en gros la position soutenue aujourd'hui par Jorge Luis Rodriguez et cum grano salis par Ricardo Guassini. Je prends un exemple très original. Vous avez une règle interdisant l'entrée des véhicules dans le parc. Intuitivement, on voit qu'un juge chargé d'appliquer cette règle n'est pas confronté au même problème selon qu'il a affaire à un skateboard ou à une ambulance. Étant donné que la question de savoir si un skateboard est un véhicule n'est pas résolue, tandis que l'ambulance est un véhicule. On pourrait cependant essayer de montrer que la frontière entre texture ouverte et défaisabilité n'est pas si étanche que ça, mais je ne lancerai pas là-dedans. Donc, en première instance, la notion même d'exception suppose que la règle est applicable. C'est d'ailleurs ce que veut dire l'exception courante, l'exception confirme la règle. L'expression courante, l'exception confirme la règle. Alors, comment comprendre que les normes juridiques soient défaisables ou sujettes à exception? Et le fait même de poser cette question suppose qu'elles le sont. Et on pourrait tout à fait nier que les normes juridiques soient nécessairement défaisables ou que toutes les normes le soient. C'est la position adoptée aujourd'hui par Frederick Schauer dans une série d'articles assez influents où il a adopté à ce sujet une position de scepticisme assez nuancée mais franc. Pour Schauer, il est certain que dans certains contextes, les règles ne sont explicables que pour autant que des raisons d'arrière-plan justifient leur entrée en vigueur. Si l'on veut, par exemple, interdire les véhicules dans le parc, c'est pour... pour répondre à des impératifs de tranquillité publique, de sécurité publique, tout cela, d'ordre public, n'importe. Mais si à chaque fois que l'on devait appliquer une règle juridique, il fallait se poser la question de savoir si l'application de la norme à un cas particulier est conforme aux raisons ou aux valeurs qui ont amené à ce qui est la règle, alors l'application de la règle elle-même serait inutile. Et les règles ne seraient, dit Schauer, que des rules of thumb, ou de pures règles indicatives, mais n'auraient par elles-mêmes aucune force obligatoire ou contraignante. Pour Schauer, les règles correspondent certes à un processus de généralisation normative à partir d'un cas paradigmatique, mais elles correspondent, et qui par conséquent peut être sur-inclusive ou sous-inclusive, on peut inclure dans sa généralisation des choses qui ne cadrent pas bien avec les buts de la règle, mais pour qu'il y ait un système juridique viable, il faut que ces règles soient enracinées, et par conséquent qu'elles puissent être appliquées de manière directe, sans que l'on ait à chaque fois à peser les raisons d'arrière-plan qui justifient leur existence. Dès lors, la défaisabilité est, pour Schauer, une caractéristique contingente et résiduelle des règles de droit. Je m'excuse d'être si disert. Alors, soulignons, avant de voir comment certains auteurs qui distinguent au sein des normes juridiques les règles et les principes, et par conséquent répondent à ce défi, soulignons que la question de la défaisabilité se pose de manière différente selon le statut des exceptions que l'on considère. On a coutume, depuis un article de Neil McCormick, que je citais tout à l'heure, de distinguer exception explicite ou expresse et exception implicite ou impliquée. Le cas le plus simple, en effet, est celui où la règle prévoit l'ensemble de ces exceptions. C'est-à-dire, on a une défaisabilité non seulement explicite, mais, ajoute Pierluigi Chiassoni, fermée, close. Dans ce cas, les exceptions font intégralement partie de la règle. La règle s'applique à une série de cas, C1, CN, si l'on veut. Dans les cas D1, DN, qui pour une raison ou une autre devraient faire partie du scope initial de la règle, on accorde une exception. C'est-à-dire simplement que les cas D1, DN, qui ont une certaine relation avec les cas C1, CN, pourraient faire... pourraient faire l'objet d'une méprise, les juges pourraient penser qu'ils sont régulés par la règle alors qu'ils ne le sont pas. Le problème tient évidemment à la relation entre les cas C1, CN et les cas D1, DN. En effet, si ces cas n'ont aucune relation, on ne peut parler d'exception. Si on a une règle, tous les véhicules sont interdits dans le parc, à l'exception des pommes et des bananes, on ne peut pas parler véritablement d'une exception. Ce qui compte, il faut donc qu'il y ait entre les cas régulés et les exceptions un certain nombre de propriétés communes qui soient pertinentes normativement. J'emploie un vocabulaire assez lourd que j'emprunte à, enfin que tout le monde d'ailleurs aujourd'hui emprunte à Carlos Alchoron et Regnault Bouligin, à savoir le fait que certains véhicules soient jaunes comme des bananes n'est pas une propriété relevante pour exclure les bananes du champ, etc. Il faut donc que les cas exceptionnels présentent des propriétés normativement pertinentes, ou plutôt l'ensemble des propriétés normativement pertinentes des cas régulés par la norme, plus un certain nombre de propriétés qui justifient, ou qui devraient justifier à tout le moins, son exclusion du scope de la règle. Ainsi, une ambulance est un véhicule qui a toutes les propriétés du véhicule, mais a aussi la propriété d'être quelque chose qui sert à sauver des vies et à transporter des malades, et par conséquent, l'impératif de santé publique excède celui de tranquillité dans le parc. Bon. Alors, j'indique un point que je ne vais pas soulever maintenant parce que je n'ai pas le temps, mais dont je comptais parler, qui est la manière classique de répondre à cette question, qui est de distinguer les règles, au sein des normes juridiques, les règles et les principes. À mon avis, on pourra en discuter si vous voulez, mais les arguments joints de Larry Alexander, Frédéric Chawa et Juan Carlos Bayon, à mon avis, sont suffisamment puissants, j'en développe d'autres, mais j'ai pas le temps, pour jeter à tout le monde le soupçon sur le bien fondé de cette distinction, mais j'ai vraiment pas le temps d'en parler. J'en viens, pour conclure, vraiment à mon tout dernier point, ma troisième section, qui se réduit comme peau de chagrin, qui est la question de la défaisabilité de l'interprétation. Je ne soutiens nullement la thèse selon laquelle la balance des raisons, qui est, selon les auteurs qui soutiennent les principes, essentielle au raisonnement juridique selon les principes, serait étrangère au raisonnement juridique. Il me semble qu'en fin de compte, la défaisabilité en droit, comme je vais essayer de le montrer, s'explique par une balance des interprétations. Seulement, il est évident qu'une telle balance ne peut avoir tout simplement tout le temps lieu. Ce que d'ailleurs tout le monde s'accorde à dire. Même Alexis ou Atienza s'accordent à dire que le juge ne raisonne pas toujours à partir de principes. Une lecture d'ailleurs hâtive des travaux de Joseph Ras sur les raisons exclusives et l'autorité du droit nous inviterait à penser qu'une telle balance ne peut jamais avoir lieu si les règles remplissent leur but. À ceci près que Ras reconnaît au juge une part de création de droit et refuse l'idée d'autonomie absolue du raisonnement juridique. Seulement, la défaisabilité des règles juridiques, et je vais vraiment être très rapide, je crois, la défaisabilité des règles juridiques ne peut pas intervenir dans de purs cas de béance normative ou de lacune normative. Elle suppose que le cas est normalement régulé, mais exceptionnellement non régulé par la règle. De ce point de vue, les cas exceptionnels ne peuvent correspondre à des cas faciles, mais ils ne sont pas non plus des hard cases au sens le plus radical. Ils correspondent à une série intermédiaire située plus ou moins haut sur l'échelle intensive qui les sépare, qui sépare plutôt les cas faciles des cas difficiles. C'est pourquoi je pense que la défaisabilité du droit est avant tout un problème d'interprétation et que la lacune axiologique n'implique pas un schéma où la règle est applicable, mais où l'on aurait une bonne raison morale ou autre de ne pas l'appliquer. Elle implique avant tout diverses raisons de second ordre pour diverses interprétations de la règle. De nombreux auteurs, que je ne vais pas citer, affirment que la défaisabilité affecte les normes et non pas leur interprétation. Évidemment, cela fait doucement ricaner les auteurs issus de l'école analytique italienne, qui adoptent un point de vue évidemment divergent, et il me semble d'ailleurs salutaire. J'aurais voulu faire référence à l'article des Materiali de 2008 de Pierluigi Chiassoni, mais je n'ai pas le temps. Bon. Ce que je retiens de l'article de Chiassoni, c'est l'idée que, au-delà de la séparation entre exception close ou défaisabilité close et défaisabilité ouverte, il y a une double idée, à savoir selon laquelle l'identification des exceptions correspond à des facteurs interprétatifs, et selon laquelle selon l'idée d'évolution dynamique des normes. Ça correspond tout à fait, à mon avis, à ce que je disais au début de cette intervention, sur l'idée de contrainte d'un côté et de l'autre, sur l'idée d'évolution des critères de justification. Même si, comme cela, je pense, est clair, n'implique pas, ou ne devrait pas impliquer, une position sceptique ou radicalement sceptique. Ce qui veut dire que l'on peut récupérer certaines des intuitions assez brillantes de Chiassoni dans un sens non sceptique, mais orienté vers le type de théorie mixte que j'indiquais tout à l'heure. Une norme juridique a un contenu assertif qui correspond à ce que le législateur a l'intention communicationnelle d'asserter au moyen de la norme. De ce point de vue, au moment T1 où la norme a été édictée, et à supposer, toute chose égale par ailleurs, qu'on n'ait pas à faire un problème de texture ouverte ou de vague, la liste des exceptions, qu'elle soit implicite ou explicite, est close. À supposer que le législateur ait autorité sur ses interprètes, celui-ci appliquera la règle sans que d'autres exceptions n'interviennent que celles qui sont explicitement suggérées. En revanche, il peut arriver en T2 que la raison pour laquelle je suis l'intention du législateur entre en conflit avec une raison pour interpréter la règle différemment. De ce point de vue, les raisons, c'est ces raisons qui entrent en conflit peuvent être tirées d'arguments de principe, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Cela peut être tiré d'arguments de rationalisation du droit, d'arguments doctrinaux, de tout ce que l'on veut, ou de raisons morales, pareil. Mais ce qui compte, c'est que l'interprétation soit suffisamment justifiée pour ne pas apparaître comme une pure et simple violation du droit. Mais ce type de cas ne constitue pas une classe de pur pouvoir discrétionnaire. En ajoutant des exceptions à la règle, le juge ne crée pas une nouvelle règle, même s'il contribue à transformer la règle évidente. Cette hypothèse, qui, à vrai dire, n'est pas encore développée de manière très détaillée et précise, emporte des conséquences en ce qui concerne certaines questions que j'ai laissées de côté, mais qui sont aussi fondamentales en matière de défaisabilité juridique. La plupart des auteurs aujourd'hui qui parlent de défaisabilité du droit arguent de ce que le raisonnement juridique n'est pas complètement déductif, mais correspond, j'ai terminé dans 50 secondes, même pas, mais correspond à un schéma de logique non monotone où l'ajout de nouvelles prémices empêche la conclusion. A commet un meurtre, tous les X qui commettent un meurtre doivent être punis, A doit être puni, A était en état de légitime défense, A ne doit pas être puni. On a bien quelque chose qui correspond à ce que les logiciens appellent un raisonnement défaisable, formalisable selon les règles de la logique non monotone. C'est-à-dire un raisonnement où la règle du renforcement de l'antécédent est prise en défaut et où la règle du modus ponens ne s'applique pas. Certains auteurs ont réfuté l'utilité de l'importation de la logique non monotone pour expliquer la présence d'exceptions en droit. C'est le cas de Carlos Alchoron dans les années 90 et de Richard Holton dans les années 2000. Et pour Alchoron en particulier, ce qui est en jeu dans la défaisabilité du raisonnement juridique, comme dans la défaisabilité des obligations prima facie en général, ce n'est pas l'insertion de nouvelles prémices venant défaire le raisonnement, mais un processus dynamique de révision des prémices au fur et à mesure de l'évolution du temps. Alors, j'ai pas vraiment le temps de disserter davantage sur ce sujet, mais il me semble que le modèle que je propose tire plus dans la direction d'Alchoron que dans celle des logiciens non monotones. Voilà. En espérant n'avoir moi-même pas été trop monotone, je vous remercie. Merci beaucoup.